des valeurs. Ça forme toute ma vie, les détracteurs. Je les sors de ma vie, je fais des fixettes. C'est pas une envie, mais ça t'inquiète. Ça me cause pas d'ennui, entouré des miens. Je fais gaffe à tout ça, je me suis pris trop de baffes par la vie et par les siens. J'ai trop de mal quand je vois les gens trahir avec plein de volonté. Mentir sans soupirer, jalouser quand quelqu'un va s'en tirer. Mieux barré, ceux qui s'arrêtent sur les clichés, les préjugés ou les premières actions d'une personne mal lunée. Je trahirai pas une personne que j'ai aimée, qui m'a été diabolisée. Même si cette grosse pute méritait de se faire buter. Après y'en a qui s'étonnent quand je pète un boulon. Mais faut pas jouer avec les gens qui vivent leurs émotions. J'aime pas Laurent Gérard et ce qu'aime Laurent Gérard. Lui l'a vraiment trop mal parlé sur le peurat. J'aime pas les médias, ils ont autant de pouvoir que les politiques. Je t'en parle même pas, je lève mon troisième doigt, c'est automatique. J'aime pas ceux qui s'appêtent, ceux qui friment, ou ceux qui se foutent de ta gueule quand tu déprimes. J'aime pas les mecs qui tapent les meufs de mon ex à ce mec dans le tram. Y'a un œuf dans tout ça, mais moi ça m'entame. Une grosse droite pas prévue, pas justifiée, seule désarmée. Vas-y, t'as pas de valeur, t'es dangereux, faut pas te parler. Putain, j'irai pas voir les films Christian Clavier, il est comme tu es chemise avec Sarko depuis des années. Je donne pas de thune à ceux qui ne méritent pas, mais j'achète tous les scuds indépendants qui déchirent ça. Je combattrai toujours toute forme d'extrémisme, de pervertisme, de chauvinisme. Moi, je suis pas patriote. S'il y a la guerre, je prends ma famille et je me barre, mon pote. J'ai rien à défendre sur leur territoire de chiottes. J'aime trop les blind test photos, mieux que faire un morceau. Mon rêve, ce serait douèche contre Diam sur la keto. J'aime le rap, je défendrai jusqu'à mon dernier souffle. Mais j'aime pas quand t'en fais un faux débat de ouf. J'ai pas le recul nécessaire pour dire que t'es dans l'ignorance, que tu manques de tolérance parce que je m'en balance. Ce que tu penses, j'aime le rouge, pas la boisson, la couleur. Mais va pas croire non plus que sans ça je meurs, hein. J'ai ma mère et mon père et ça pour des millénaires. Et je te jure, je ferai tout pour les rendre fiers. J'aime pas ceux qui disent wesh wesh quand on passe en baguille. Tu mérites une grosse pêche pêche dans la face réglée. J'aime pas me battre, mais je me mettrai pas à quatre pattes. Alors les biatches me font face jusqu'à ce que je craque. J'aime pas ceux qui pissent sur les autres départements. Ça se passe comment le jour où tu changes d'appartement? J'ai grandissant, mais je respecte toutes les religions et mon ressentiment se passe vos opinions. I comme idéaux, parce que j'en ai fait un abécédaire. I comme idéaux, parce qu'il fallait le faire. J'aime pas la télé-réalité, c'est des gens improbables sortis d'un imaginaire. Conte de fées, je suis éclectique en musique, mais avec la techno je panique. Y'a un hic quand on a le choix entre deux ports en politique. Moi j'aime n'aurais soi à écouter du peurat. J'aime plus le sky, ça m'arrache la tête comme un Beretta. J'aime pas ceux qui prennent le volant avec 3 grammes. Je monte pas, c'est tout, y'a rien à dire, constate, c'est un drame. J'aime pas les juges, proc, inspé. La vérité, y'a pas de respect, nous, quand de tout on est suspecté. J'aime pas les vieux qui gueulent par la fenêtre. Me tente pas, parce qu'avec l'air du temps, j'ai envie de te traiter de facho, tiens. J'aime pas les balances, prendrai bien ta langue pour faire des nœuds et baisse tes yeux, honnêtement. Quand tu nous croises dans la rue, ne nœud, même si je suis une meuf, j'ai le droit de te parler. Arrête de faire ton bluff ou des ennuis, tu vas t'attirer. J'aime bien les battles de regard, ça me fait marrer. Ton intérêt à mon égard, ça me fait kiffer. J'aime pas être en galère d'instrumental, tu comprends ou quoi? On a ni flou ni connexion, et alors on est âne, non? J'aime pas les nœuds jeux qui manquent de respect. Par ton âge, j'y suis passé, y'a pas de quoi s'enflammer. J'aime pas ceux qui se font trop de thunes sur le dos des gens. Mais moi, je vais te vendre un produit qui est vraiment trop conséquent. Mon ABCDR, mon frère, délita.